Le démon du lac, par Louis Ulbach. Chapitre 1er. La tombe et le berceau. Vers le milieu du mois de décembre 1542, le château de Falkland, en Écosse, était rempli de tumultes. Une partie de la noblesse y trouvait réunie, dans l'attente d'un grand malheur et d'une heureuse nouvelle. Le malheur allait s'accomplir dans le château même, où le roi Jacques V s'était retiré après la défaite de son armée par les Anglais à Solway-Moss. L'heureuse nouvelle devait être apportée du château de Linlithgow, où résidait la reine d'Écosse, Marie de Lorraine, fille de Claude de Lorraine, premier duc de Guise. L'Écosse entrait tout à la fois en deuil et en espérance. Un règne finissait, un autre s'annonçait. Pendant que le pauvre Jacques V se débattait entre les fantômes qui entouraient son agonie, la reine, bien dolente de ne pouvoir soutenir le front mouillé de sueur de son époux bien-aimé, attendait, loin de là, le premier vagissement de l'enfant qui devait lui remplacer ses deux fils morts au berceau. Enfin, le 8 décembre, un écuyer partit, à toute vrille, du château de Linlithgow pour la résidence de Falkland, et répondit sur sa route l'heureuse nouvelle de la naissance d'une petite fille qui devait porter le nom de sa mère, Marie. Ce jour-là même, le roi Jacques était en proie à un ardent délire. On attendait une lueur de raison pour l'informer de l'événement, mais la raison semblait avoir fui pour toujours. L'Écosse était un rude pays alors, plein d'ignorance et de brutalité. Les seigneurs y faisaient au besoin le métier d'assassin et de larron. Le meurtre était la dernière raison de la politique. Jacques V, esprit poétique et délicat, n'était pas fait pour ce pays sauvage et pour cette sauvage époque. Il lui avait fallu bientôt renoncer à ses illusions, à ses promenades aventureuses, à sa vie de galanterie. Catholique fervent d'ailleurs et justicier implacable, sacrifiant les intérêts de sa dynastie aux principes de sa foi. Il avait combattu à outrance le presbytérianisme de son oncle Henri VIII, mais en vain il avait étouffé ses instincts généreux. En vain il avait fait appel à l'épée, à la hache, au bûcher. Abandonné par la cupidité de ses nobles et par l'indifférence de son peuple, deux fois vaincu par Henri VIII, pleurant sur la honte de ses armes et sur l'inutilité de ses rigueurs, dévoré par les remords, la douleur et la fièvre, il n'était plus lui-même en état de recevoir la consolation que lui envoyait la Providence. Les yeux ardents et enfoncés dans leurs orbites, les cheveux épars, les lèvres contractées, les narines haletantes, les poings crispés sur ses couvertures, Jacques luttait en désespéré contre les effroyables visions qui tourbillonnaient autour de sa chambre. Quelquefois, il lui semblait que toutes les victimes de son intolérance, échappées au bûcher, venaient apporter sous son lit les fagots et la flamme de leur supplice, et le malheureux roi, croyant se sentir consumé, criait au feu, voulait s'élancer, fuir, et se plaignait de ce que l'incendie lui calcinait les os. Si les serviteurs et les gentilshommes osaient s'approcher et le retenir dans leurs bras, le moribond s'évanouissait de terreur, prenant ses mains officieuses pour des tenailles sanglantes. Des spectres, auxquels il donnait des noms, venaient tour à tour le saluer et l'appeler. L'un lui avait, disait-il, coupé les bras et les jambes et promettait de revenir lui couper la tête. Un autre l'attirait sur un lac dont les eaux étaient rougies et voulait l'y noyer. C'était un spectacle horrible que l'agonie de ce jeune roi, et les yeux les plus insensibles fondaient en larmes à son chevet. Le 14 décembre, vers le matin, la passion de Jacques V parut touchée à son terme. Après un assoupissement de quelques heures, le roi s'éveilla, calme, affaibli, mais ayant ressaisi toute sa raison. Il se mit sur son séant, promena autour de la chambre le regard étonné d'un homme qui sort d'un rêve et auquel la réalité échappe encore, fit signe qu'on ouvrit une fenêtre, aspira à plein poumon le vent d'hiver qui remuait les arbres dépouillés, puis retomba sur son oreiller en murmurant « Quel dur sommeil vous m'avez fait, mon Dieu ! Quel triste réveil vous m'aviez préparé !» On s'empressa autour du lit royal, et reconnaissant bien, au triste sourire par lequel il saluait les courtisans de la mort, que son esprit était plus calme, un laird d'Écosse s'agenouilla, prit la main moite que le roi lui tendit, la porta à ses lèvres et annonça à Jacques V la naissance de la petite Marie, sa fille. Une rosée divine éteignit pour un instant le brasier qui consumait Jacques. Il ferma les yeux sous une caresse ineffable. Son pauvre cœur, si gonflé, si meurtri, déborda dans un soupir de joie et de triomphe. L'enfer disparut, le ciel s'ouvrit, le roi fit place au père, et ce mot, une fille, refoula dans la nuit les spectres éplorés qui avaient fait une garde vigilante autour du chevet royal. « Une fille !» murmura le malade, et une larme vint rouler entre ses cils. Puis il tomba dans une douce rêverie, et on voyait, au pli de ses lèvres, que son âme franchissait l'espace, s'envolait à Linlithgow, et flottait heureuse, réconciliée, au-dessus du berceau de son enfant. Pauvre roi, pauvre père, il souriait à ce frêle rejeton né au pied des échafauds. La tombe restée ouverte de ses deux fils se refermait. L'horizon si triste, si désenchanté, si assombri, s'illuminait, et de loin, à travers les brumes, il voyait une blonde figure d'enfant qui lui souriait. Tout ce poème inénarrable des joies, des caresses, des mutineries, des gentillesses de l'enfance, lui apparut comme dans un éclair. Une bouffée de vie et d'espérance lui entra au cœur, tandis que l'air vif entrait par la fenêtre restée ouverte. Hélas, la trêve fut courte. Le mirage disparut bien vite. La conscience de sa mort prochaine revint au roi, avec la sueur qu'il sentit monter à son front. Le frisson le saisit. On referma la fenêtre, on ranima le foyer, mais le vent du tombeau ne cessa plus d'agiter ce spectre royal. « Une fille ?» murmura Jacques. « Pauvre enfant, qui va porter le deuil de son père et le deuil de l'Écosse ?» Et cette pensée rappelant tous les fantômes, le roi leva les mains à ses yeux, comme pour les fermer devant d'effroyables tableaux. « Ceux, dit-il, qui n'ont pas respecté le chardon royal et qui ont flétri la couronne d'Écosse, ceux qui ont profané cette couronne sur mon front, l'arracheront du sien. Par fille elle est venue, et par fille elle s'en ira. » Après avoir prononcé ces paroles prophétiques, le moribond épuisé se retourna dans son lit et, poussant un grand cri, expira. Les gentilshommes s'approchèrent alors l'un après l'autre du lit funèbre, donnèrent un dernier adieu à la majesté morte, puis descendirent silencieux dans la cour du château, montèrent sur leurs chevaux et partirent pour le château de Linlithgow. Ils allaient saluer leur reine de 6 jours, Marie Stuart. La prophétie du roi semblait précéder ce sombre cortège, et malgré leur rudesse, ces lords comprenaient que la tombe ouverte était trop large pour une seule victime et que l'Écosse allait entrer dans un long et sanglant veuvage.